Tony. Tony Martin. De ressortir sur le coffret Anno Dominum Immaculate Deception avec Evergrey, toujours aussi, on pourrait dire. So say qu'on les voit tout de suite sur extrait de cet album Theories of Emptiness. Yeah. Yes, Evergrey tout de suite avec Furies of Emptiness et son album et son morceau Say. On continue tout de suite avec les Italiens de Rhapsody qui nous sortent leur nouvel album studio. Ça s'appelle Challenge the Wind, ça vient de voir le jour sur AFM. Que dire si ce n'est que le groupe remonte tout doucement la pente suite au départ du guitariste Luca Turilli en 2011 et ensuite en 2016 du chanteur Fabio Leone, qui est maintenant dans Angra, le claviériste Alex Staropoli a recruté une nouvelle équipe et ils en sont maintenant à leur troisième album. Et ben, c'est quand même pas mal du tout pour les amateurs du style. mal de bouleversements quand même au sein de sa carrière. On continue maintenant avec là aussi les vétérans français de Nightmare qui nous reviennent avec leur nouvel album et leur nouvelle chanteuse. Ça s'appelle Encrypted, ça voit le jour sur AFM Records, et on retrouve une nouvelle fois une nouvelle chanteuse, donc la troisième maintenant au sein de Nightmare, avec Barbara Morgor qui est ici, qu'ils avaient présenté au sein du groupe il y a de ça quelques mois. On se souvient, on les avait interviewés du côté du Plein Air Fest l'année dernière, l'été dernier. Et ils avaient déjà fait une prestation scénique assez convaincante, avec bien sûr une grosse énergie et une bonne prestation vocale de la part de la nouvelle vocaliste. Et on s'en va tout de suite, extrait de ce dernier album, The Blossom of My Hate. We'll be right back. Yes, vous venez d'entendre ce groupe Sunbomb par le duo de Tracy Guns, entouré du chanteur de Striper, c'est Michael Sweet, et ce morceau Steel Heart, tout de suite sur Overdrive, Radio Duo. On continue avec J.D. Miller, sorti sur le label Mighty Music, ce sera Inside the Light. Vous écoutez Overdrive, Radio Duo. Yes, vous venez d'entendre J.D. Miller, Inside the Night, tout de suite sur le 895 de Radio Duo. Il est temps de passer à une petite vieillerie. Maintenant, il s'agira de King Diamond et de son album VI, paru originellement en 1990, ici réédité en 2020 par Metal Blade dans de superbes digipacks, donc CD d'imitation vinyle, avec un digipack qui s'ouvre vraiment somptueux. Un très bon remaster également. King Diamond dit que sa musique n'a jamais aussi bien sonné que sur ses remasters. Là, et bah, pour l'heure, j'ai envie de me passer un petit retour en arrière sur ce disque sorti il y a maintenant 34 ans et sur lequel King nous raconte sa première histoire plus ou moins vraie, bien sûr adaptée, d'une histoire française et d'histoire qui s'était passée au couvent de Louviers en 1642, à l'époque de la chasse aux sorcières. C'était VI, sur lequel on retrouvait le classique du King, toujours interprété sur scène, The Eye of the Witch. Et on se passe maintenant le morceau 1642, Imprisonment. Meeting to get they go. The peacock, the cat. Yes, King Diamond tout de suite avec ce superbe album The Eye sur lequel on retrouvait des morceaux comme Burn ou alors The Eye of the Witch qui nous contait une histoire vraie inspirée de l'Inquisition française au XVIIe siècle. Echo maintenant avec cet album Déficit d'humanité sorti sur M&O Music pour les amateurs de rock, metal plutôt alternatif. Ce sera le morceau Dopamine et vous écoutez toujours Overdrive Radio Duo. Je connais le Vous venez d'entendre Mars Red Sky tout de suite sur Overdrive Radio Duo avec cet album Dawn of the Dusk qui était paru en fin 2023. C'était le morceau A Trapdoor Slow Attack Heavenly Bodies. On continue maintenant dans le post-hardcore avec le groupe Water Tank tout de suite sur Overdrive Radio Duo et ce sera le morceau The Long Face extrait de cet album The Liminal Status. Vous écoutez toujours Overdrive, il est 22h passé de 20 minutes. Et maintenant, on va dire side project pour les gars de Municipal Waste, ça s'appelle Bat, et on retrouve extrait de cet album Under the Crooked Claw, le morceau Vampire Lore. Ready for war, enter the trial of a lasting vampire lore. Vraiment excellent, vous venez d'entendre Weatherfall pour les amateurs de heavy metal racé et ténébreux, ici avec son dernier album Sounds of the Forgotten qui vient de voir le jour sur Deathwave Records. On va passer maintenant à Crown Shift qui sort son premier album éponyme sur Nuclear Blast. Crown Shift, si vous ne connaissez pas, il s'agit d'un nouveau projet sur lequel on retrouve des anciens membres de Children of Bodom, notamment. Et ils nous jouent du métal d'influence, on va dire, scandinave. Ça voit le jour sur Nuclear Blast avec cet album, comme je disais, éponyme. Yes, Void Gazer Expectations Management. Tout de suite, pour un morceau ici tout en groove, qu'on va continuer avec, avec du bon gros death metal, bien gras, avec Ad Patres et son album Unbreathable. Sensation. Lord, stop. Yes, At Patres, tout de suite, et on continue avec un groupe culte de death metal. Il s'agira de Six Feet Under, qui nous sort son dernier album sur Metal Blade. Ce sera Killing for Revenge et le morceau Ascension. Tout de suite, vous écoutez Overdrive Radio Duo. Voilà, on se quitte au son de Hull qui sort son premier album Ciel, Cendre et Misère Noire sur les acteurs de l'ombre pour du black metal, tendance heavy metal et mélodique. On se dit à la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le 895 de Radio Duo. On rappelle le www.radioduo.org, le www.facebook.com/overdrive. Radio Duo pour retrouver tous les podcasts des émissions. Merci, ciao, bye bye. Ce sera la danse du rocher par Hull tout de suite. C'est le rocher de l'ermite contre les forces véliques. Impassible, elle brille, la ville côtière, fière. Force à la paix. Après avoir percé ce cri, le navire...